C'est dans le salon. C'est dans le recueil. Ton truc là. Oui, il roule là. Salam. بسم الله والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد طيب أخذنا أمس أنا من أخوات إنا ماذا تعمل تنصب الاسم وترفع الخبر وترفع. ترفع الخبر نعم والفرق بين إنا وأنا ما هي شكوى الديفرنس C'est-à-dire c'est-à-dire les précéder par quelque chose. C'est-à-dire inna et on peut commencer avec. Inna Zaydan Marid. Amma Anna Zaydan Marid là. Vous Danantu Anna Zaydan Marid. Taïb. Danna, mada ta'amel danna. Ça demande deux mafoulain. Non, tansam mafoulain. Taïb. Barakallahu fik. Quel sens il a ? Sembler, croire. Non. Taïb. Le fait qu'on ait dit, il a besoin de deux mef'ulbi, c'est-à-dire qu'on se dit adhonnu annahu marid ou adhonnu anna zaydan marid. Les deux mef'ulbi sont ici. Annahu ou adhonnu anna zaydan marid. Non, c'est-à-dire tout ça on a dit. Pas, c'est pas zaydan. Zaydan c'est ism anna et marid khabar anna. Non, tu dis tout, pas annahu. Tu fais Annahu là. D'arrive. Hier, c'est ce que je vous ai dit, d'arrive. Anna Zaydan Marid. Ou, adhonnu. Par exemple, tu dis Danantu Anna Zaydan Qa'imun. Ma'ana, ça veut dire quoi ça ? Danantu Qiyam Zayd. Ma'ana, me faut ma'ana, Inch'Allah ? Ça, on le reverra bien. C'est quoi la règle de 13 à. De 11 à 19 ? المعدود المطابقه لا كونفورميتي لا دي با ساكورد اكوردي اون شوز سي سي كونفورم سي دير سي لا سي دير دو 11 12 لونيتي لا ديزاين اي لا شوز كونتي سي او فيمينا بار رابور ا سكو نا فيو هير واه بقى هير سي سا كون ا في فيلان سي فيمينا سي تو فيمينا نعم المعدود ما هو المعدود؟ سي كو المعدود؟ لا شوز كونتي فوالا. لا شوز كونتي او فيمينا. لا ديزين سوي لا شوز كونتي. نعم. لانفيرس احسن. مفهوم هذا ان شاء الله؟ اون ديغا ان اكزومبل دو سكي فيان دير. 13 إلاف 13 إلاف دي فام. 13 طالبات. نعم 13 طالبتان احسنت. بارك الله فيك. Comment on dit affamé ? Jawan. Jawan, ici c'est un pluriel. Là. Jawan. Tu es une sœur ? Non, tu peux dire ? Non, non, pas du tout. Vas-y. Jawan. Jawan, très bien. Ici c'est un pluriel de femme ? Jawan. La même chose, hein ? Assoiffé ? Atchan. Atchan, non. Atchan, taïb. Et après, c'est la même chose de ce qu'on vient de dire. Enfin, quelqu'un de rassasié. C'est pas Allah, Alain. T'as révisé, Mahdi ? Ça ressemble au mois avant Ramadan. T'aider un peu sur Andek Shab'ano. Et c'est quoi le mois qui est avant Ramadan? Sha'ban. Sha'ban. Taïb. Énervé. Ghadban. Ghadban. Feignant. Kaslan. Travail. Andek ya Bilal barakallahu fik. Lima. Law qultu laka akharajta min al-fas taqul na'am. Wa ana qulu lima. Limadha hudifa al-alif huna? Al-harf. Ida hay na'am. Ahsan, barakallahu fik. Taïb, on s'est arrêté à la leçon 16, taïb. L'exercice 16, bismillah. Bismillah, les frères. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Ouais. On a dit le haf le jar, barakallahu fikoum. Concentrez-vous, les frères. On a dit, regardez bien, on commence là. Ta'amul mayali, exercice grand 15. Allah ibarri, tu veux aller y aller. Allah, c'est quoi ça? Mohamed, d'après c'est encore toi, tu vas encore dire des bêtises. Allah, on l'a tous vu. J'arrive pas à comprendre, Allah. Ta'amul mayali, grand 15. Lima yusawi limada. طيب لما خرجت من الفاس أخرجت من الفاس نعم لما ضربت هذا الولد أضربت هذا الولد نعم لما طيب لغاية ici on avait dit quoi بارك الله فيكم à la base c'est quoi لماذا طيب et le fait qu'on ait fait rentrer الحرف الجار dans الماء vous voyez quand t'écris ما l'istifhamia وجب حذف هذا الألف c'est juste ça tout simplement. Je me suis renseigné, est-ce qu'il y a un autre haf istifham? Et le frère Aboubien m'a dit qu'il connaissait que ça. Me fume hada? C'est compris ça? Il n'y a rien de difficile. C'est-à-dire la cause d'avoir supprimé l'alif, c'est quoi? C'est le harf jar qui est rentré. Et même ma'na lima yusawi limada, c'est la même chose. Par exemple, je te dis adarabta alwala taqul limada? Là, tu veux me dire na'am. Soit je te dis limada ou lima. Au niveau de l'utilisation, c'est la même chose. Me font ? Tout le monde a compris là ? Qu'est-ce que ça veut dire ça, lima avec un lima ? On rajoute lima. Après na'am. Parce que c'est le waqf, lima. Na'am. Voilà, c'est le fait de dire comme Fatima. Ja'at Fatima. Hakad. Il faut, c'est le haki qui se. Et je crois dans les livres de Imla, on verra un dars comme ça. C'est-à-dire comment on s'arrête au niveau des dernières lettres. Ja'at Fatima. Tu dis pas Ja'at Fatima tu. Il faut, hakan. On ne peut pas dire l'ima d'Akhal Talbi, on peut pas dire l'ima d'Akhal Talbi, c'est seulement. Là, tu t'arrêtes pas comme ça. C'est comme si tu dis l'ima d'Arabta Fatima. Là, si il y a une prononciation, c'est-à-dire si tu fais pas de, si tu t'arrêtes pas, tu prononces la dernière lettre. Mais faut malin. Et ça, c'est. Par exemple, si je te dis Ja'at Fatima tout ma darabat bintaha. Je sais pas, Ja'at Fatima kada. T'as compris? Si tu t'arrêtes, ouais. Mais si tu veux faire une phrase complète, tu prononces. Ça, c'est le waqf. C'est la dernière lettre. Et il y a dans le nahou, il y a un darj comme ça, al waqf. C'est-à-dire la, comment s'arrêter dans certains noms. Mais faut malin. Barakallahu fik. Taïb. Grand 16, اكتب الاسماء الاتيه مجروره ومنصوبه طيب المرفوع والمجرور والمنصوب طيب طيب alors le مرفوع on avait vu quoi on avait dit que le مرفوع بارك الله فيكم هي اس علامه الاسم مفهوم هذا والمرفوع يكون بضمه هذا هو الاصل tout le monde a compris ça. Et on verra au fur et à mesure que la damma, elle va apparaître par exemple dans l'ism al-mufrad. Exemple. Ça doit aller vite ça les frères. Hein? Kitabun. Également dans quoi? La damma. Par rapport à ce que tu connais. Là. C'est-à-dire dans quel mot on trouvera la damma? Al-mamnu' min as-sarf. Ja'a Ahmadou. Vous avez compris? Parce que c'est pas tout marfou, on trouvera la dama. Al-asma al-khamsa, c'est quoi le marfou? Dis-moi que mon père il est venu, tu me diras quoi? Abouk. Ja abouk. Ah, pas abouk. Ja abouk. Ici c'est une dama ou c'est un waw? Voilà. Tu as bien vu que fait l'asma al-khamsa, alamat al-raf, là c'est ta dama. Tu as compris, Iman, la question là? Voilà. Taïb également, qu'est-ce que tu connais comme nom? Quand est-ce qu'on verra la dama apparaître? Andek Jam al-taksir, on l'a étudié. Exemple. Dia'a, les enfants, on dira Al-Auladou. C'est-à-dire, vous connaissez quoi maintenant grâce à Allah? Et ça, vous voyez quoi dans le matin? Celui qui apprend parmi vous le matin, l'Ajromiya, il dit quoi? Alamat al-Raf, bidamma, al-ism al-mufrad, wa jam'a al-taksir, wa jam'a al-mu'anat salim, wa al-mamnu'a min al-sarf. Vous suivez là? Al-mufrad, mithmada, ja'a, Muhammadun, ou ja'a al-waladou. Taïb, prenez le walad. Si c'est quoi, jam'a al-taksir, ja'a, al-awladou. Encore, on trouve la damma. Ja'a, Ahmadou, c'est quoi ça? Al-mamnu' min as-sarf. Il nous reste quoi? Le pluriel féminin, ja'at al-muslimatu. C'est-à-dire, dans ces quatre mots-là, vous trouvez quoi? La damma, quand c'est quoi? Marfou. Vous comprenez ça, Inch'Allah? C'est pour ça que là, c'est important. Al-marfou, ce ne sera pas que au niveau de quoi? Si vous êtes serré, ça sera plus un petit peu Abdelhamid. Vous avez compris tout ce que je viens de dire, là, Inch'Allah? Est-ce que la damma, elle est spécialement juste pour al-mufrad? Là. Qui veut répéter, Abdelhamid? Jam'a Moudakar Salim. Jam'a Salim. Hein? Jam'a Mouanas Salim. Exemple, Ja'at. Al-Muslimatu. Al-Muslimatu. Également. Jam'a Taksir. Jam'a Taksir. Mithal. Ja'a Al-Auladu. Al-Mufrad. Mufrad Al-Talibu. Très bien. Ja'a Al-Talibun. Ja'a Al-Talibun ou Al-Talibu. Il nous reste Al-Mamnu' min as-sarf. Ja'a Ahmadu. Ja Oussama, Ja'at Aïcha. Mais ça, prenez-le par cœur. Alaykoum salam. C'est-à-dire, Inch'Allah, quand tu feras après l'Ajromiya, ce sera quoi? Ce sera nouveau ou c'est la révision? La révision. Mais faut madame, Inch'Allah. Et ça, ça te permet maintenant, même si par exemple tu parles ou tu écris une lettre, tu sais comment utiliser la Dhamma. Mais faut madame, Ja la Smal Khamsa, dis à un frère, ton père il est venu, tu diras quoi? Moi j'ai dit au frère par exemple Ja'a Waladuka. Là c'est quoi? Une dhamma. Ton père est venu. Ja'a a un frère qui est pas là. Ouais, un frère. Non, il est là. Ja'a, t'es obligé. Ja'a Abouka. Abouka. Abouka. Voilà. Pourtant il est fa'al. Et le fa'al ici c'est quoi son signe? Al-Waw. Mais faut Inch'Allah. Tout le monde a compris ça? C'est compris ça les frères? Ouais. Taïb. Taïb. Al-Majrour. المجرور عندنا ماذا؟ علامة الأصل في المجرور ما هي؟ الكسرة. مفهوم هذا؟ طيب والكسرة متى تظهر بارك الله فيكم؟ في الاسم المفرد également. Ah, c'est-à-dire le nom singulier. Tu dis par exemple نظرت إلى الكتاب. إلى الكتاب. مفهوم هذا؟ Et on va le retrouver inshallah plus tard dans quoi؟ Dans le جمع مؤنث سالم. مفهوم؟ ضربت par exemple tu dis ضربت المسلمات. Alors que normalement c'était quoi? La muslimata. Il y a le mef'ul bi. Walakin jam' mu'annas salim yunsab bil kasra. Vous avez compris? Et également jam' mu'annas salim, tu dis nadartu ila madha? Ila al muslimati. Vous avez compris ça inshallah? Tout le monde a compris? Ça veut dire la kasra, elle peut apparaître également dans des autres noms. Taïb. Barakallahu fikoum. Et il y a également quoi? Ce que vous avez étudié, Al-Mudaf ou Al-Mudafili. Hada kitabu Zaydin. Mufoum? Taïb. Ou Al-Mansoub. Alamat al-Nasb. Maïa, al-Asliya. Al-Fatha. Taïb, Inch'Allah. Dans Ism Mufrad, comme vous le voyez. J'tareitu kitaban. Mufoum? Et après, également, il y a quoi? Tout ce qu'on vient de voir à peu près. Par exemple, il y a Jam'a Taksir. رأيت الأولاد طيب رأيت أحمد الممنوع من الصرف طيب إن شاء الله طيب المفعول به كمو سي الاسم سا مفعول به واي سي العلامة لا le frère il demande si c'est un مفعول به est-ce que ce sera toujours une fatha qui veut répondre au frère qui a Mohamed Albi. Ma question c'est ça. Est-ce que ça sera toujours une fatha? Non. On a dit Al-Mansoub, c'est avec une fatha. Mais c'est pas tout Mef'ulbi qui sera avec une fatha. Me font maintenant? T'as un exemple? Par exemple, le duel, on le verra que c'est avec un ya. Raïtu al-Waladaini. Me font Darabtu, ce qu'Allah nous préserve, par exemple, Darabtu al-Muslimati. Raconte al muslimat. Fumada, t'as compris ? Voilà. Pourquoi je vous dis d'apprendre ce terme-là ? Pour que ça vous permette de faire entrer toutes les autres harakat. Mais si tu dis par exemple que l'al-marfou, c'est toujours une damma, est-ce que c'est vrai de dire ça ? Hein ? Faux. Et si tu dis que par exemple le fa'al, c'est toujours une damma, c'est vrai ça ? Quoi ? Pourquoi t'as dit non ? Allah marifik. T'as. Est-ce que le fa'al, le sujet, ce sera toujours une damma ? Donne-nous un exemple alors, autre que la damma. Ce sera toujours un sujet. Hein. C'est bon ce qu'il dit, frère ? Hein ? C'est-à-dire, le sujet, il faudra toujours qu'il y ait une damma. Oui, pour être marfoua. Avec l'alif, exemple. Dja, al-waladani. Taïb ? Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Ça, c'est dans l'un important. On révise, mais alhamdoulilah, kulahal. Taïb, maintenant, on lit. Taïb, hamidoun. Celui qui peut, il nous fait une bonne phrase avec majrour. Hamidoun. Bismillah. Hamidoun. Comment on dit regardez, t'as dit Nadartou ila Hamidoun. Voilà, mashallah. Et Mansoub, tu diras j'ai vu. Ra'aytou Hamidoun. Très bien, mashallah. Nadartou ila Hamidoun, ra'aytou Hamidoun. Le suivant. Akala Khalidoun al-Khubza. Là, dans le majrour, on veut. Si tu peux, sinon si tu peux pas, tu lui dis. Il a Khalidin, très bien. Maana dakhaltu ila Khalidin, ici il a un sens de quoi ? Maana laysa maana dakhala fi Khalid. Maana fi al-makan alladhi huwa mawjoud. Tayeb, inshallah. Wa mansoub. Akalta Khalidan. Non, non. Allah yarik. ضربت خالدا طيب ضربت خالدا عندك يا وهبي غيرت نافذة البيت غيرت نافذة البيت طيب très bien ça veut dire ici il est مضاف اليه طيب وكتا بيتان tu diras on l'a déjà vu رأيت par exemple acheter qu'est-ce que tu dis comment tu le dis Beitan. Voilà, mashallah, c'est bien. Utilisez le vocabulaire que vous avez. Andek. Rajulun. Raitu Rajuluna. C'est bon ça? C'est qui a vu? Moi. Toi. C'est-à-dire le Ra'a, c'est le verbe, fiel. Et le tout ici, c'est fa'al. Et le Rajulun. C'est un homme, c'est pas une femme. C'est sûr, ça, Mahdi, c'est un homme, Allah dit. Mais Rajulun, pourquoi? Comment? Mais comment Rajulun ? Si toi t'as fait l'action, Rajulun il peut pas être marfou. Mansoub, Raïtou, Rajulan. Taïb. Taïb, mais quitte à nous on veut les majrour. Tu diras quoi ? Tiens, tout Raïtou et tu lui. Ça tu viens de dire là, Raïtou, Rajulan. T'as compris l'exercice, Mahdi ? Rajulun, une fois il faut le mettre majrour, une fois il faut le mettre mansoub. T'as compris ? Pour rendre une chose majrour, soit tu fais comme Wahabi, il a mis mudaf ilayh, ou soit comme tu fais les, comme les deux frères, tu lui mets un hafjar. Comment tu dis je suis passé devant un homme ? Le verbe marra. Tu diras par exemple marartu bi rajulin. Taïb ? Et tu nous le mets mansoub, par exemple tu diras quoi ? Raitu rajulin. T'as compris là ? Barakallahu fik. سيارةٌ سيارةٍ وسيارةٍ إلى سي ساعةٌ عندك نظرت إلى الساعة très bien كسي par exemple اشتريت ولا دي وامي كسي on l'a vu ce mot là très bien الساعة لا كسرت ساعة j'ai cassé une montre par exemple أحسن بارك أو par exemple كسرت الساعة la montre qui est مفهوم الله يبارك فيك ميكواتون اشتريت شو اللي يصير طيب نتوي on l'a vu nettoyer le verbe nettoyer نظفت الى المكواتا اه واه لا سي مجرور لاس لو ابري طيب نظرت ساعه مكواتا الى المكواتي الى طيب إيه نظفت تجرا نظفت المكوة très bien سورة سي صبورة عفوا جزاك الله خير très bien كتبت على الصبورة مجرو comme tu veux mais quand, par exemple qu'est-ce que c'est nettoyer si tu veux ou effacer mais surtout là ici à la rigueur nettoyer نظفت الصبورة الصبورة طيب نعم الى سي مدرسة نعم دخلت في المدرسة très bien دخلت المدرسة طيب ان شاء الله طيب تأمل ما يلي Ici, il y a juste une règle, si vous voulez, à la rigueur. C'est plutôt de imla. Altar marbota, si vous avez fait attention, il n'y a pas de prolongation. Kitaban. Mufum, rajulan. Mufum. Alors que le tal marbota, tu ne mettras pas, par exemple, shtaraytu siyaratan, hakada. Mufum, hada? Non. Ouais, mais c'est juste par rapport à ça, là. T'as compris ou tu veux juste. Taïb. Voilà, vous avez fait attention, regardez bien. الاسم المفرد مذكر والفيلا كتابا حامدا رأيت حامدا تبخنج مفهوم أو اشتريت بيتا أما المفرد الذي آخره طال مربوطة لطال مربوطة تمي باكم سا اشتريت سيارتان مفهوم هذا سا وفات اتنسيون عصا دان الإملة نعم سيكوة تاكيسون عثمان J'ai pas bien compris. Tu me parles de l'exercice où on est là ? Ouais, moi juste le ya ici. Là. J'ai pas bien. C'est Mayali. Entre le ya et le alif, là, il veut dire. Il n'y a pas de point. Comment je sais si c'est là ou lui ? Entre le ya et comme ça. Et puis le ya comme ça. Ah, dis-moi où tu lis là. On était là, il parle en bas. T'as okay. Mis le Mayali. Parce qu'il y a des lits comme ça, puis aller avec les deux. Ah, c'est des mots que tu connais ça. Non. Alors, t'as compris ce que je veux dire ? Plus tu vas avancer, plus il n'y aura pas de teshkil. Quelqu'un qui est nouveau, il voit ce mot-là, il ne sait même pas c'est quoi. Mais faut m'aider. Allah ibarik fik. Mais dis-moi c'est où, parce que là j'étais en train de chercher là. Taïb, là tu me demandes par exemple Ta'amul Mayali. Tu me suis là? Quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, il voit le par exemple là, le mime de ma par exemple. Il pourra faire quoi? Il va imaginer une dame ma'ou, ma'i. Mais quand tu vas apprendre, est-ce que c'est possible de dire ça? Pourquoi? Non, parce que bien sûr tu l'as appris. Mais t'as appris quoi? Que la prolongation de la fatha c'était quoi? C'est l'alif. Et la prolongation de la kasra c'est quoi? L'ia. La prolongation de la dama c'est quoi? El waou. Mais fom, alors toi quand maintenant on te dit Mayali, tu peux dire Mayalou. Ça n'existe pas ça, des mots comme ça. Omalaya. Vous comprenez? Vous avez suivi un petit peu ça? Voilà, c'est-à-dire les prolongations de la fatha, c'est l'alif. La prolongation de la dhamma, c'est le waw. Et la prolongation de quoi? De la kasra, c'est l'ia. Mais faut m'aider, Inch'Allah. Sinon, comme ça, comme tu as dit, tu ne peux pas savoir. Mais plus tu vas apprendre du vocabulaire, automatiquement, tu vas trouver. Hein, le mot là qu'on a lu le dernier, là, madrasatun, on aurait pu dire mudarrisatun? De la manière dont c'est écrit là. Non. Tout le monde regarde là, s'il vous plaît. On aurait pu dire Mudarrisatun ? On peut dire Madrasatun ? On peut dire. Non. Mais moi, si je vous dis par exemple Kassarto et j'ai ce mot là. Regardez bien, on est en train de lire un mot là. Il y aurait eu le mot devant, il y aurait eu Kassara. On aurait dû dire, qu'est-ce qu'on aurait dû dire là ? Madrasa. Madrasa, ça se casse pas une prof. Non. Vous suivez là ce que je dis ? C'est ça. Plus tu apprends du vocabulaire, plus ça y est, tu sais comment lire. Vous suivez là? Là, on aurait devant Madrasatun Kassara. Quelqu'un qui a un peu de, comment on dit, de logique. Il voit le verbe Kassara. Kassartu. Oh tiens, ça ressemble à Mudarrisatun et ça ressemble à Madrasatun. Qu'est-ce qu'il va dire automatiquement? Pas dire Kassartu Al-Mudarrisata. Celui-là, il ne sait pas parler, là. Voilà, ça, c'est pour répondre à ta question. Plus tu apprends, plus tu sais comment t'exprimer. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de quoi, de tashkil. T'as compris ça, Uthman? Et beaucoup de mots comme ça. Taïb. Et ça, tu vas le voir. Plus tu vas lire, plus tu vas apprendre, tu vas te comprendre toi-même les hadiths. Comme un peu ce qu'on a dit avant-hier, avec Haddathana. Mais faut, madame. Tu ne voyais pas les voyelles. Et devant, juste après Haddathana, il y avait Abu Huraira. Tu allais dire quoi, là? Ouais, mais comment tu vas le lire? Même s'il n'y avait pas les tashkils. Haddathana Abu Huraira. Et c'est quoi qui t'a permis de faire ça? Al-Qarina. C'est quoi Al-Qarina? L'indice. C'était quoi l'indice? Abu Huraira. Il y a eu Abu Huraira, tu aurais dit? Hada Haddathana Abu Huraira. Mais faut, pourquoi? Parce que l'indice, ça te dit quoi? Que c'est toi qui vas transmettre. Et, le, et c'est quoi l'indice? C'est que derrière, tu as un meuf. T'as aimé, Inch'Allah? تأمل ما يلي هاتي يا أحمد طيب ça c'est فعل أمر c'est-à-dire c'est comme si tu ramènes هات هاتي يا أحمد ça c'est مفرد مذكر مفهوم si tu demandes à un frère tu dis هاتي يا أحمد الخبز مثال هاتو يا إخوان ça c'est le pluriel masculin طيب بارك الله فيكم هاتي يا سعاد مفرد مؤنث هاتينا يا أخوات جمع مؤنث مفهوم هذا؟ طيب 18 طيب اكتب الآيات الخمس الأولى من سورة الرحمن وسورة الحديد هذا هو un exercice écrit que vous faites vous-même à la maison si vous voulez وسورة النبأ الكلمات الجديدة مجلة رحمك الله جمع مجلات سي ماجازين عمارة جمع عمائر إمبل سورة جمع سور لسورات كذا القرآن راكب جمع ركاب باساجي سن جمع أسنان لدان طيب والله أعلم on peut dire également l'âge طيب جاء c'est le verbe venir شقة جمع شقاق appartement kalimatun jam' kalimat des mots taib kawa c'est le verbe repasser non là parce qu'ici c'est le en français je crois Allah alim c'est le participe présent c'est celui hein présent c'est ça hein barakallahu fik ici si tu m'as dit quoi monter là si c'est pas le verbe monter ça. Ça, c'est là, c'est celui qui va faire l'action. Tu me fous? C'est quoi le verbe monter? Rakiba. Taïb? Barakallahu fik. La'iboun. Qui se souvient de ce mot-là? C'est-à-dire quoi, la'iboun? La'iboun? Ouais. Non, c'est jouer. Est-ce qu'il est d'accord? Le frère l'a dit jouer, lui, il a dit jouer. Et toi? Frapper. Il y a qui? Joueur. Joueur. Est-ce qu'on dit jouer? Si je te dis, hada la'iboun. Hada, ouais. C'est la même chose. Ism fa'al. Taïb. Jouer au madi, on dit la'aba. La'iba, la'iba. La'iba. Le verbe. Taïb. Ici, rakiboun, c'est le passager. Taïb. Taïb, bismillah, les frères. Comme il reste du temps un petit peu. J'ai deux actions dans l'exercice que vous venez de faire. J'ai deux actions. Ah. C'est hatina ya akhawati. Non, ya akhawati. Il y a Khawati, c'est cité sœur. Mais de la manière dont c'est écrit, je ne crois pas qu'il y ait une kasra. Oui, je sais, c'est une erreur ça. Si tu appellerais tes propres sœurs, non, il y a Khawati. Il faut voilà, tu as prolongé pourquoi? C'est ouais, mais c'est quoi? Parce que le mondaf, il a lié à Al-Mutakal. Il faut, madame? Barakallahu fik. Taïb. Taïb. Ad-dars al-sabi. Et couvrez-vous en ce moment, hein. Je suis un peu frais quand même. Hein. On peut rester à la mosquée, mais le problème c'est trop de bruit. Bismillah, voix haute. Les mots qui sont. Le texte est un peu long, les mots qui ne sont pas compris, entourez-les, hein. Comme ça ira vite dans la traduction. Très bien. Aïna dahabtum ba'd ad-dars ya abnaï. Dahabna ila al-mal'abi. Très bien. Très bien. سلتي نعم كرة القدم لعبتم أم كرة السلة c'est le basketball hein سلة le mot lui-même سلة c'est le panier me fom c'est et après c'est à toi de donner un مضاف me fom enfin au suivant vas-y vas-y لعبنا répète ah capa la ri me fom لعبنا اليوم pas corrata là corrata al qadami pas salata on vient juste de le lire là corrata salati basketball fil osbu'i al madi au suivant très bien. Ben là, d'habna. T'aurais dit naam, ça voudrait dire quoi, Kamel? Ça veut dire que je confirme la négation. C'est-à-dire vous n'êtes pas parti. Ahsan barakallahu fik. Ben là, ça veut dire quoi? T'as enlevé la négation. Mada qara'tum hunak. Qara'na suhufa. Prends... Lisez les dernières lettres. Moi, c'est juste pour voir, Inch'Allah, est-ce que vous savez bien c'est quoi le mef'ul bi, al-mazrour, parce que grâce à Allah, maintenant, on a vu les trois harakat, al-marfou', wal-mansou', wal-mazrour. Taïb. Naam. Assami'atum al-akhbar min al-idha'ati al-yawm. Naam, sami'naha. Naam, sami'naha. Min ayyi. Min ayyi. من إذا. أي إذاعة إذاعة سمعتم نعم سمعنا من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة إذاعة prenons juste un peu le A عين من ثلاثة إذاعة إذاعة très bien من إذاعة الرياض وإذاعة prenons le إذاعة الرياض إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن وإذاعة لندن Et la meilleure, c'est Riyad. سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح شفاه الله. Très bien. متى دخل المستشفى؟ دخل قبل ثلاثة أيام. أين الكتاب؟ Pourquoi le kitab? Dim. الكتاب ذو لعيل لا ذو الغلافي. ذو الغلافي. الأحمر نعم. pourquoi t'as pas dit الأحمر c'est même là mais le صرف normalement non. نعم. et là pourquoi il y a une كسرة؟ parce que c'est. c'est à cause de quoi؟ non c'est à cause de. il est مضافين. non. quand est-ce on peut remettre la كسرة ou même le صرف كمان؟ quand. soit il est مضاف ou soit il est. دخول الألف واللام. مفهوم هذا؟ مررت بالمساجد طيب ان شاء الله او مررت بمساجد قريش لا جي مين بلاس دو كوا دو مضاف او سيفون لا تبي با فيني عفوا تفضل الذي كان في غرفتي رايت سي بيان سي بيان رايتموه اين الكتاب ذو الغلاف الاحمر الذي كان في غرفتي ارايتموه نصفه نعم انا اخذته البارحه وقرات نصفه واين المجله التي كانت تحت ذاك الكتاب très bien عبد الله هذه هي لا المجله ذوات العلاف ذات بذوات ذات العلاف العلاف الأصفر نعم لا المجلة ذات الغلاف الأصفر هي عندي أخذتها اليوم نعم هي عندي أخذتها اليوم continue يرينا الجراز يرينا Non, c'est bien, Yarino. C'est Moudara, on l'a pas encore étudié ce temps. Yarino, c'est quoi qui sonne ? La sonnette. Bon, mais c'est qui fait l'action ? C'est lui. Il est fa'al. Yarino, al-jarasu. Al-jarasu, fayakoumou, Marwan. Marwan, wa yaftahu al-babu, wa tadkhulu. C'est qui a ouvert la porte, Marwan ? Et la chose qui est ouverte, c'est la porte. Al-baba, wa tadkhulu, akhawatuhu. Akhawatuhu. Yarino, al-jarasu. فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته طيب يرنو سي الفعل فعل الجرس فاعل طيب رنا سي الفيرب سوني الجرس سي لا سونيت فيقوم مروان يقوم فعل مضارع مروان اللي فاعل مفهوم سي لي كي كي سلاف ويفتح الباب من الذي فتح الباب مروان اين الفاعل هنا هو طيب ان شاء الله الباب مفعول به وتدخل أخواته تدخل في فعل مضارع وأخواته سي سي سيغ طيب اي لو ضمير سي كي سي كوا مفعول به كي غوفيان مروان طيب كوم سي دي نوفو تون سي بور سا ان شاء الله اون فيغ ابري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين ذهبتن يا بناتي ذهبنا لزيارة أمشيتن أم ذهبتن بس لا بي بالسيارة نعم tu vois Kamel ça si le mot est bien appris tu te trompes pas là مفهوم c'est compris ça c'est à dire siara maintenant il faut que tu l'apprennes par cœur même sans les tashkil c'est à dire que le ba ici il aurait pas pu te tromper Bidnillah. Tu aurais su que c'était quoi Bissiyarati, directement. Me font mes frères, c'est pour ça, les mots, apprenez-les par cœur. Taïb Non. Taïb, Mashayna li anna baytaha qaribun min madrasatina, wa wa bayna al-masjid wal madrasati. C'est bien, mashallah. Awajatunaha. Awajatunaha fil bayti. Nam wajadnaha. Jalasna 'indaha 3 sa'atin. La, pas 3, 3 sa'a. 3 sa'atin. Wa kharajna min baytiha. Baytiha. Sa'ati al-khamisati. رأيتن المكنسة لا أرأيتهن أرأيتهن لا بخومي سي استفهام أرأيتن أرأيتن رأيتهن أرأيتن المكنسة المكنسة المكنسة يا بناتي لا يا بنات يا بنات بحثت عنها كثير وما وجدتها نعم أرأيتن المكنسة يا بنات بحثت عنها كثيرا وما وجدتها انا وضعتها تحت السلمي نعم هذا الصباح هذا صباح نعم انا وضعتها تحت السلمي هذا الصباح يا امي افي ثلاجتي ماء بريد بارد بارد نحن عطاش très bien أبشر فيها ماء بارد وعصير برتقالي وعصير parce qu'il est مضاف et le mot d'après مضاف إليه alors répète أبشر فيها ماء بارد وعصير برتقالي نعم طيب les mots pas compris vous donnez le nom et la ligne comme ça va vite Bismillah. Tu es compris? Abshir, réjouis-toi, c'est le dernier mot. Non. Il a dit Yaoumi, Afit Thalajati Ma'un Baridun. Il demande à sa maman, est-ce que dans le frigidaire il y a de l'eau fraîche? Nahnu Itash, on est assoiffé. Elle lui a dit Abshir, réjouis-toi. Fiya Ma'un Baridun, c'est-à-dire il y a de l'eau fraîche, wa asir burtuqal, et du jus d'orange. Non. Tu as dit la cour. Alors, pas d'amour. football. Il y a un kura, c'est la balle. El qadam, c'est le pied. Voilà. Wa kura salla. El kura, c'est la balle. Wa salla, c'est le panier. Et comme vous savez, le basketball, c'est le panier en lui-même. Taïb. Le basket en anglais, c'est quoi ça? C'est pas le panier? Moi, je connais pas. Le ball, c'est la balle. Le basket, c'est quoi? C'est panier aussi? Ah. Rilaf, c'est couverture. Couverture, pas pour dormir. C'est la couverture d'un livre. Me faut malada? Rilaf. Vous avez compris ça, Inch'Allah? La première colonne, la 9e ligne. C'est qui? C'est l'Ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9e. C'est la station de radio? Oui, non. أسمعتم الأخبار les informations من الإذاعة الراديو نعم الأخبار c'est le pluriel de خبر نعم بريحة البريحة سيخ طيب البريحة سيخ سواق طيب je confirmerai ça par rapport à quoi au niveau d'une faïda si il y a l'alif ou l'am في البريحة c'est la nuit d'hier مفهوم هذا البريحة si il y a l'alif ou l'am معناه la nuit d'hier طيب إن شاء الله. Ce qu'il a dit Miknasa. On n'a pas traduit ce mot-là déjà. Balai. Vous voyez, Miknasatoun. Et ça, on le verra dans le 3, comme j'ai dit, un dos très intéressant. Le verbe en lui-même, c'est quoi? Tout le monde connaît, non? Comment on dit balayer? Kanasa. Kanastul Ghurfa, Kanastul Masjid. Et l'ism al-ala, l'outil, c'est quoi? Miknasa. Fumada? Taïb. C'est-à-dire, toi-même, si maintenant tu as compris un peu ce que je viens de dire, chaque fois tu verras un outil, tu peux trouver le verbe. Hada wal asl. Me fond Misa'ad, l'escalator. C'est quoi, si tu enlèves le mime, qu'est-ce qui te reste? Sa'id. Me fond Mada? Vous avez compris ça? Plein de choses. Par exemple, la si, on dit minchar. Si j'enlève le mime, nashara. Me fond, mais après, il a plusieurs sens. Par exemple, on dit mitraqatun. Vous la demandez souvent, le mitraqa. Si on enlève le mime, taraka. Et après, il y a des exceptions comme al-fas. Là, par exemple, la pioche, il n'y a pas le verbe en lui-même. Il y a certains outils, ils n'ont pas de verbe. Non. Il y a bien une personne avec la main. Là, c'est le kora. Al-yom, on ne joue pas avec le jour. C'est un dharf. C'est-à-dire dans la journée. La imna, le kora. Kora, al-qadam, il est mef'ul bin. طيب يدوت مو عبد الله عندك كلام توي كومبري جي فري بوكو ولا كومبري اي نا بوكو جي طيب يا فاطمه سي بون غيلاف اون ا دي واه سي لا كوفرتور دان ليفر با لا Ça veut dire hier soir, ils sont avec Alif Lam ou pas? Non, c'est pour ça que je dis avec Alif Lam, tu vois, et je confirmerai, Inch'Allah. Darf Zaman. Al-Suhouf, c'est les journaux. Naam. Ici. Bataniya, ils disent. Naam. C'est bon, Inch'Allah? Il a Huna. Allah, c'est comme ça.